Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous arrivons aujourd'hui à la leçon 28. Notre phrase clé aujourd'hui est... Shizuoka e yōkoso. Bienvenue à Shizuoka. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Elle se rend aujourd'hui à Shizuoka, en compagnie de son ami Sakura. Le cousin de Sakura, Kenta, les accueille à la gare. Écoutons le sketch de la leçon 28. La phrase clé est... Shizuoka e yōkoso. Bienvenue à Shizuoka. こちらはいとこのケンタ君。 静岡へようこそ。 彼はカメラに詳しいからいろいろ聞いてね。 どうぞよろしくお願いします。 アンナちゃん、かわいいな。 Laissez-moi vous expliquer le sketch. Sakura a présenté Kenta à Anna. こちらはいとこのケンタ君。 C'est mon cousin Kenta. こちら est un démonstratif qui signifie « cette personne ». Wa est la particule qui indique un sujet ou le marqueur de sujet. Itoko signifie « cousin ». No est une particule qui lie les substantifs. Kenta c'est « Kenta ». Kun est un titre habituellement employé pour les petits garçons. On peut aussi l'utiliser pour les adultes de sexe masculin s'ils sont vos amis proches ou vos subordonnés. Nous avons appris précédemment que « Kochira », cette direction, indique un endroit en direction du locuteur. Il indique aussi une personne qui se trouve près de celui ou celle qui parle, n'est-ce pas ? Tout à fait. Kenta dit à Anna « Shizuoka e yōkoso. Bienvenue à Shizuoka. C'est la phrase clé aujourd'hui. « Shizuoka » signifie « Shizuoka », le nom d'une ville. Et est une particule qui indique le point final d'une action. Yōkoso signifie « bienvenue ». Shizuoka e yōkoso. Bienvenue à Shizuoka est une expression pratique. On peut l'utiliser avec divers noms de lieux pour accueillir les touristes, notamment. Alors Mélanie, comment dit-on « bienvenue au Japon » Japon se dit « Nihon ». Nihon e yōkoso. C'est juste. Kenta fait partie du club de photographie de son université. Anna vient d'acheter un appareil photo. Elle a hâte de prendre des photos du mont Fuji. Alors Sakura dit à Anna « Kare wa kamera ni kuwashii kara, iroiro kiite ne. » Comme il est calé en appareil photo, alors n'hésite pas à lui poser plein de questions. « Kare » signifie « il ». Elle se dit « Kanojo wa » est le marqueur de sujet. Caméra signifie appareil photo. Ni est une particule qui indique un objet. Kuwashi est un adjectif qui signifie s'y connaît, être calé. Donc, la particule ni indique ce qu'il connaît bien. Oui. Retournons à notre sketch. Kara puisque, parce que est une particule qui indique une raison. Dans la leçon 9, nous avons appris que « kara » est une particule qui indique le point de départ d'un moment ou d'un lieu. Ainsi, « kujikara » par exemple signifie « à partir de 9 heures ». On dit aussi « kara » pour exprimer la raison, non ? Oui. « Kare wa kamera ni kuwashii kara » signifie « comme il est calé en appareil photo ».« Iro iro » signifie « plusieurs choses, diverses choses ».« Kiite » est la forme en « t » du verbe « demander. C'est une manière informelle de demander ou de suggérer à quelqu'un de faire quelque chose. Pour le dire poliment, on ajoute ください, s'il vous plaît, après quitte. Si on met la particule ne à la fin de la phrase, on a l'air plus amical. Ne peut également adoucir la phrase. Anna dit à Kenta どうぞよろしくお願いします。 Je compte sur vous. どうぞよろしくお願いします。 est une manière polie de dire よろしくお願いします。 on l'utilise, comme vous le savez, lorsque l'on se présente aux autres. Mais on peut aussi le dire après avoir demandé à quelqu'un de faire quelque chose pour nous. En utilisant « dozo », on exprime une demande plus poliment. Kenta est heureux parce qu'Anna lui a demandé de faire quelque chose. Il se dit à lui-même « Anna-chan, kawaii na !» Anna est mignonne. Anna. C'est Anna. Chan. Est ajouté au nom des petits-enfants. On peut aussi l'ajouter au nom des jeunes femmes afin d'exprimer l'intimité ou l'affection. Kawaii. Est un adjectif qui signifie mignon. Na. Est une particule que l'on ajoute à la fin d'une phrase lorsque l'on murmure ou que l'on se parle à soi-même. Il y a de la romance dans l'air? Écoutons de nouveau la leçon 28. Notre phrase clé aujourd'hui est... Shizuoka e yōkoso. Bienvenue à Shizuoka. Kochira wa itoko no Kenta-kun. Shizuoka e yōkoso. Kare wa kamera ni kuwashii kara... いろいろ聞いてね。 どうぞよろしくお願いします。 アンナちゃん、かわいいな。 Voici maintenant notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Nous avons appris aujourd'hui la particule kara, qui indique la raison, le pourquoi. Dans la leçon 19, nous avions appris qu'une autre particule indique aussi la raison. C'est « nodé ». Veuillez nous préciser la différence entre « kara » et « nodé ». Demandons à notre professeur. On emploie « kara » et « nodé » pour expliquer une raison, le pourquoi. Par exemple, si un adjectif « kawaii » mignon, joli, est la raison, le pourquoi, on emploie indifféremment « kawaii kara » ou kawaii node. Mais lorsqu'on les utilise avec les adjectifs en na ou les noms, kara devient dakara et node devient nanode. Prenons par exemple yakusoku, une promesse, et la raison, le pourquoi. Yakusoku est un substantif. Donc si on emploie kara, on dit yakusoku dakara. Si l'on utilise node, on dit yakusoku nanode. Kara et node signifient pratiquement la même chose. Mais en utilisant node, votre explication se fera en douceur. C'est parce que le N dans node est plus doux à l'oreille que le K de kara. C'est pourquoi node s'emploie plus souvent en affaires ou lors d'événements formels. Dans de telles occasions, les gens cherchent à projeter une image plus douce et cordiale. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Passons à notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. C'est une sirène d'ambulance, n'est-ce pas ? En japonais, on l'exprime ainsi. Pipo, pipo. Et dans le cas d'une sirène de police... Dans notre rubrique mots descriptifs des sons, aujourd'hui, nous vous avons parlé de pipo, pipo et de Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique les tweets d'Anna. Quand on parle de Shizuoka, le mont Fuji est la première chose qui vient à l'esprit. Il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013. Je vais demander à Kenta de me montrer le mont Fuji sous ses plus beaux angles. Avez-vous aimé la leçon 28? Notre phrase clé aujourd'hui était... Shizuoka e yōkoso. Bienvenue à Shizuoka. Lors de notre prochaine leçon, Anna et ses amis se rendront en voiture pour voir le superbe panorama du mont Fuji. C'est un rendez-vous à ne pas manquer.